Cette prod, c'est la pression, griser la lune. Les bougies sans du boucher. Comment la toucher sans lui briser la nuque? T'auras de couper patin. Si t'écoutes bien la suite, la suite, je peux pas la suivre sans la découper patin. Quand mon flow, c'est le poids du mal, voix du mal. Je le torture dans la voiture jusqu'à 3 du mat. Tout de suite à l'écart, les gars, la route tourne. Donc j'ai gardé ma haine comme un tout la garde à l'écart d'un routou. 6, volume efface, c'est les ténèbres. Morbide et néfaste, donc effacez les ténèbres. Mon triste sort vaut 100% de votre homme. Car c'est genou au sol que je joue avec les mots dans le sang d'un autre homme. Le sacrifice, c'est mon écourante. Apprécie, je suis devenu agressif sur un océan de mauvais courant. T'as les rémis par contre ce thème. Me pousse à vous dire qu'il faudra m'enterrer d'une face contre terre. Moi, j'ai la vie d'un terrien le long d'un pestiféré. La couleur des fantômes, le froid du marbre. Je t'inviterai bien dans mon monde, mais qu'est-ce qu'il ferait? La douleur fait 100 tonnes et le poids du marbre. Moi, j'ai la vie d'un terrien le long d'un pestiféré. La couleur des fantômes, le froid du marbre. Je t'inviterai bien dans mon monde, mais qu'est-ce qu'il ferait? La douleur fait 100 tonnes et le poids du marbre. Ma colère est née où aucun cœur ne s'accorde. Tu seras terrifié, si t'approches sans vérifier la longueur de sa corde. À la base il était plein de trophées. Le mal je l'ai crevé pour le faire à sa place. Il était bien trop feu. Viens chez moi, c'est presque l'usine. Mais retourne ta croix car c'est 3 quarts de magie noire, le reste de musique. Je suis devenu grossier, fou sort. Tu me racontais l'histoire d'un vagabond devenu sorcier. Des sous-sol, par éclairage tiens bout. La folie fait en paix. J'ai pris la première, j'suis parti où les rats prolifèrent en paix. Paradoxe, te laisse cogiter ici le feu veut grandir. Faut le revendiquer, voir ce que la veuve en dit me rend digne. On me dit primitif, froid-les. Je ne vis qu'avec cette voix répétitive. Me disant broie-les. Baisse ton arme, bois le sang du boucher. Bois le voilà dans ton estomac, le sang du boucher. Le poids du mal. J'ai la vie d'un terrien le long d'un pestiféré. La couleur des fantômes, le froid du marbre. J't'inviterai bien dans mon monde, mais qu'est-ce qu'il ferait? La douleur fait 100 tonnes et le poids du marbre. J'ai la vie d'un terrien le long d'un pestiféré.